jour où tu l'as fait, pendant qu'on ne savait pas que tu allais le faire. J'aimerais te rendre gloire, ô Père. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Merci pour tes bontés. Merci pour tes projets, tes faveurs exécutées pour nous. Merci pour le jour où Dieu était au four, au moulin pour nous. Quelquefois, on regarde nos vies, on se demande qui est Dieu, qui est serviteur. Des fois, tu es plus au service de l'homme que l'homme ne l'est au service de Dieu. Des fois, tu es plus en mouvement en notre faveur que nous le sommes nous-mêmes. La Bible dit même pendant que nous dormons, toi tu ne sommeilles ni ne dors, tu veilles sur des serviteurs. Je connais des rois de ce monde, je connais des grands de ce monde. Ils préfèrent aller dormir et laisser les serviteurs veiller. Tu es le seul roi qui préfère veiller pendant que nous sommes en train de dormir, qui préfère prendre en charge les choses difficiles pour nous mettre de côté et nous mettre au large. Merci. Merci pour tout autour de nous, tout en nous et tout avec nous. Nous voulons te dire merci. La deuxième des choses que j'aimerais nous conduire à prier ce soir, frères et sœurs, vous pouvez mieux adorer Dieu quand il se révèle à vous différemment. Des fois, ce ne sont pas des cantiques qu'il faut changer. C'est juste la révélation de Dieu qui doit se manifester différemment pour nous. Des fois, ce n'est pas un nouveau répertoire qui va nous bouleverser. Mais c'est une nouvelle histoire avec Dieu qui va nous changer. Les Jéhovah Jireh de la Bible n'étaient pas le résultat d'un nouveau répertoire. Les Jéhovah Shammah de la Bible n'étaient pas le résultat d'un nouveau cantique. Mais Dieu s'est manifesté à eux autrement. J'aimerais que pendant un moment nous puissions prier, vous et moi, que Dieu se manifeste à nous autrement. J'aimerais que tu dises à Dieu, mais n'allez-moi au kumisora na maloba oyoyo, quand on a un mot oyoyo. La kisanga. Parti no mususo na monate. La kisanga ndenge no mususo na mesana na ngote. Vous savez, Jésus était avec les disciples. Des fois, il leur faisait des numéros incroyables. Des fois, ils allaient ensemble avec lui dans la barque, mais un jour, ils marchaient sur l'eau. Il y a des jours où Dieu vient d'une manière dont s'attendait le moins, juste pour qu'on change notre définition. Zame sala kena bando kumiso na malobo na mesana na ngote. La révélation est le point de départ de l'adoration. Quand on le rencontre, on l'adore alors. Quand il se manifeste, on l'adore alors. Si tu as déjà adoré Jéhovah Shammah, qu'il devienne aussi Jéhovah Jireh. Chitkenu Elohim. Zambe na moni omingi na domaine na classe. Sana mono pe na domaine na santé. Zame na zabi le mono na domaine na santé. Sala na mono pe na famille. Zame na sina moni makamuno na famille. Na musala na na posa na bengo kombo ba benga kokaka na musala. Frères, nous ne sommes pas au rendez-vous de la musique, nous sommes au rendez-vous de l'adoration. Je te désire différemment. Révèle-toi à moi. Namono différemment. Namono différemment. Bandela yebisanzambe même mboko yo. Même Congo, tu en as besoin to bandokumisanzambe na bakombo mususu. Tala depuis un moment Congo comprenait que prière na biso zalara pambate. Prière na biso to lela zalara pambate. Namboko to bando kana déjà que ba tu ba kufa makile kotanga. Mais le soleil de la justice s'est réveillé. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a fait, mais en fin de compte, ba to to banga ki ba kufa baza na bon mort. Zambe to mono ndenge mususu. N'église à Congo, ça sera église à Milelote. Et ça, l'église à Nzambo à Fongola, à Lola. Nzambo, bikam, on est monana. Ayo, qui pose à Komata. Ya Komata, na Lola. Ya Koemba. Ya Koemba, na Banje. Ayo, qui pose à Komata. Ya Komata, na Lola. Yakoema, Yakoema na banje, na yo ki bosa na yemba yelongo na banje, na mona yo ndenge ba mona ka yo bosa komata, Yakoema na banje lwe, ngalelo na yo ki bosa komata. Ya koemba na banje. Ah, emba e. Emba e. Nasengi emba e. Emba e. Basole. Dans ton cœur pour ça le sang mon moro. Nous allons faire une prière cette fois-ci en disant à Dieu, regarde ma situation, regarde ma réalité, je ne sais plus m'attendre au monde, je ne sais plus m'attendre à l'intelligence. N'habite sans dans ma situation le colowana te rebelle la maquillate te rebengana démonté ton sein à car le fungwama et que le soleil de la justice se lève. Dans des prières toujours ça la sigo. C'est quoi, dans quel domaine de la vie, dans quel domaine de ta vie, tu te dis, Nzambo nasambe la rakasi, nani na mona, nasambe la rapambate, nasambe la rapambate. Commence à élever ta voix, commence à réclamer cette manifestation glorieuse et différente de Dieu. Nzambe ye la kote on azokana te, bime la kote on asale li calcul te, me basole langalola. Emma, eh, pas la malola. Emma, eh, opele la ngankembo. Emma, eh, opele la malola. Oh, na yo ki bosa komata, Sanjola ya mbalo yo na zela ngoli kolo Na goye manabaj Na yo ki posa komata Na komata Ya mbalo yo na ye manabaj Na parking na yo ki posa komata Ya goye manabaj lue Emmanuel Yonzambe Nangaye Emmanuel Makasi Nangaye Devant nous nous allons l'invoquer ici Emmanuel Tobele Lioyaya Devant mon ito Samani Boe Tobele Lioyesue Tolingi Tobangalo Zambo Osana Wapie Emmanuel, moyo kiamasa joli, soko monito sosa. la boe ezaka kampona yo tala maboko to sobeta lelo ezalia yo ya ya mabina to kopina lelo ezalia yo ya ya bobo bilolo to kopeta lelo ezalia yo ya ya manzemo to poema lelo ezalia Soko monito zobina papa salabika mwae Yale lo toko sopa motema ni boso ya zamboro Na boi faze apeki sanga paske maniwele la Misika mokonzi azali emo na nakakaka Misika mokonzi azali eyema nakakaka Oh, malobi Emanuele, Osana Poparello Tolinguito San Jolan, Tolinguito Peto Mona Eh, Emanuele, Maboko Emanuele, Maboko de laisser les yeux ouverts et de faire de cet endroit le lieu où tu vas te lever au zénith. Lorsque le soleil se lève, la bataille ne s'arrête pas jusqu'à ce que nous ayons gagné. Lorsque le soleil se lève, ceux qui savent avoir le pouvoir sur le soleil gardent leurs mains levées. Quand le soleil est monté, si tu veux continuer à le garder levé, lève tes mains et lève le roi de gloire. Moïse savait, si je baisse mes mains, je baisse le soleil. Si je baisse le soleil, la victoire, je ne l'aurai pas. Fais que ce soir, Père, si ce sont nos mains physiques qui vont fatiguer, mais dans notre cœur, notre louange ne s'arrête pas. Ce soir, pendant que nous serons en train de te louer et de t'adorer, ce soir, fais que ce soit ni pour danser, ni pour chanter seulement, que ce soit pour adorer et louer. Ce soir, veux que ça ne soit pas un spectacle, mais que ça soit une relation intime. Ce soir, veux que ce ne soit pas une histoire de répertoire, mais une histoire de révélation. Ces moments sont à toi, au nom de Jésus.